Il y avait des bonnes nouvelles hier au club de golf de Saint-Prime où on avait convoqué la presse pour un point de presse et on a annoncé plusieurs bonnes nouvelles. D'abord, le club de golf de Saint-Prime est maintenant sauvé. Après 7 semaines de permission, on sait qu'on a obtenu la permission du ministère de l'Environnement pour vendre des terrains. Il y a 14 terrains sur 18 qui sont déjà vendus. On a également annoncé d'autres bonnes nouvelles. Le club de golf de Saint-Prime sera reconfiguré à 650 verges. Et le plus, le club va acquérir l'Omnium Junior en 2018. Et en terminant, Jean-François Gauthier de Rio Tinto sera le président d'honneur pour le tournoi bénéfice qui sera présenté plus tard dans l'été. Et pour Rémi Curtness, toutes ces bonnes nouvelles a fait en sorte, évidemment, que le club a bien travaillé. Et ça ne va pas nécessairement endormir le conseil d'administration à continuer à améliorer pour l'avenir. La preuve, c'est que le club a 52 jeunes et c'est la plus grosse académie des clubs de golf de la région. Explique Rémi Curtness. On a travaillé très fort l'année passée, puis encore cette année, là, avec notre directeur golf, Jonathan Lambert. Ouais. On a le plus gros programme de relève de tous les clubs de la région. On a 52 jeunes. Okay. On a cette année un programme élite parce qu'on veut amener nos joueurs sur le circuit élite. On a 12 jeunes dans le circuit élite cette année. On a le tournoi de golf junior qui revient au club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean cette année. Et comme je le disais tantôt, on va recevoir le championnat junior québécois en 2018. Puis mieux que ça, pour la relève, nous, moi je pense qu'on est... Maintenant, on va parler de la course de la relève. On sait que c'est encore une fois un succès sur toute la ligne, la 14e édition de la course de la relève. Plusieurs jeunes étaient présents. Ce matin, on a parlé avec Pierre-Luc Ménard, qui est un des responsables. Et évidemment, on est très heureux du côté de l'organisation de la course de la relève pour cette année. Satisfait, on est encore heureux. La population a encore répondu à l'appel avec un grand nombre. Donc, on a eu plus de 207 participants au 5 km. Donc, pour nous, c'est un record de participation. Puis encore une fois, les jeunes, eux, c'est la relève, hein, on a eu plus de 680 jeunes, donc on est très contents. La température est avec nous. OK, aussi. OK. En terminant, je vais vous parler de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. Ça se déroulait hier. D'abord, dans la catégorie, on parle de la division 1 féminin, victoire de Saint-Gédéon 5-1 sur le FC du Lac. Ça se déroulait à Robertval. Maintenant, dans un match qui se déroulait au Parc Saint-Jacques, victoire du Mistral 8-1 sur la formation de Dolbeau-Mistassini. Maintenant, on va parler du côté de la division 2. Un gain du Chinook 5-0 sur le Robertval United. Et dans un match de division 2 dans le U12 masculin, Robertval U12 a défait l'FC Manicouagan, qui est une équipe de Saint-Félicien, par le pointage de 3-0. Le sport à la Canadienne régionale, à Danazosport.com, on s'en occupe.